mais qu'as-tu ? Ma cocotte, ton profil a enflé. Il faut plus que tu grignotes ou tu vas exploser. Et en plus, si l'on place ton ventre sous nos doigts, on sent sous ta carapace un deuxième, le cœur qui bat. Qu'as-tu donc, ma sirène ? Trouves-tu si rigolo d'avoir en quelques semaines pris autant de kilos ? Est-ce de moi que tu te moques ? Tu t'es pourtant jamais plainte. Sourire équivoque. Tais-toi donc, je suis enceinte. Mais je le crois pas, c'est pas vrai alors. Toi aussi tu t'y mets à façonner. De petits bras, de petits pieds, exposés au grand jour. Comment s'abrique un trésor? Les miracles de l'amour au dehors. Mais j'y crois pas, c'est pas vrai alors. Toi aussi tu t'y mets à façonner. De petits bras, de petits pieds, exploser au grand jour. Comment se forge un espoir, faire don de son corps pour la voir. Ah, ah. Chambre, quelle couleur au volet, quelle position pour le lit. De toute façon, c'est décidé, on déménage fin septembre, hein. Quoi ? Déjà le 27 ? Bah ça va être short, mais tant pis, et son nom, on le choisit dès ce soir. Dès demain, on achète les couches, les jouets, les bavoirs, les ustensiles, les petits soldats, les poupées, les barbies, les toi, mon chéri, ne te fais aucun souci. Dis-moi plutôt les mots qui te passent par la tête. Dis-moi-les doucement, je suis prête. Écris-moi une chanson, un hymne, ah, une chanson. Que les murs de notre maison reprendront. D'accord, alors attends un peu que je respire profondément. Mais je crois pas. Je vais avoir un enfant, un vrai, qui crie, qui rote, qui nous fera découvrir les plaisirs de la crotte. Mais j'y crois pas, c'est pas vrai alors. Toi aussi tu t'y mets à façonner. De petits bras, de petits pieds exposés au grand jour. Comment s'abrique un trésor, les miracles de l'amour au dehors. Mais j'y crois pas, c'est pas vrai alors. Toi aussi tu t'y mets à façonner. De petits bras, de petits pieds, quoi te dire. Si ce n'est qu'en tout cas je suis fier, maman. Je suis fier, maman. D'être le papa. La la la. La la la. La la la. La la la. La la la. La la la. La la la. La la la.